Mon âme est faite ainsi que jamais, ni l'idée, ni l'homme, quel qu'il soit, ne l'ont intimidé. Toujours mon cœur, qui n'a ni Bible ni Coran, dédaigna le sophiste et brava le tyran. Je suis sans épouvante, étant sans convoitise. La peur ne m'éteint pas, et l'honneur seul m'attise. J'ai l'ankylose altière et lourde du rocher. Il est fort malaisé de me faire marcher par désir en avant ou par crainte en arrière. Je résiste à la force et cède à la prière. Mais les biens d'ici-bas font sur moi peu d'effet. Et je déclare, ami, que je suis satisfait, que mon ambition suprême est assouvie, que je me reconnais payé dans cette vie et que les dieux cléments ont comblé tous mes vœux, tant que sur cette terre, où vraiment je ne veux ni socle impien ni colonne trajane, on ne m'ôtera pas le sourire de Jeanne.